Je me suis posé la question suivante. Est-ce que le fantôme Gustave n'est en fait que le fruit de mon imagination démente et de mon esprit confus? Vous pouvez m'entendre discuter avec une entité qui communique avec moi par le bruit de chaîne et je comprends ce qu'il me dit. Avouez que c'est quand même incroyable ou pour le moins anormal. Oui, c'est probablement le cas. Mon esprit doit être confus, mais posez-vous aussi la question suivante. Si vous prenez le temps de m'écouter à chaque semaine, et je sais que plusieurs d'entre vous le font, que vous êtes fidèle à une émission métal dont l'animateur discute avec quelque chose qui n'existe possiblement pas, vous, êtes-vous saint d'esprit? La réponse est non. Bien entendu que vous ne l'êtes pas. Et tant mieux pour vous, parce que les saints d'esprit ont bien moins de plaisir. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il vous dira ceci. Vous êtes mon patient. Pouvez-vous m'aider? J'entends des voix. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause Pendragon said so. Go. Life is a quiet river.

T'aimes le punk, t'aimes le oi, t'aimes le ska, t'aimes le hardcore et t'aimes le psychobilly. Eh bien, écoute Ska et Punkka tous les jeudis. Non, non, tous les vendredis. Entre 21h et 23h. Sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Avis de recherche. Toi. Rejoins l'équipe de C'est Fou pour partager tes passions à la population de la grande région Trois-Rivières. Pour information, c'estfou.ca. Suivant. Qu'est-ce qui te vaut cette présence en enfer, mon cher? Ah, je le savais que ça finirait mal, cette histoire-là. De quelle histoire tu parles? Écoute bien, j'étais à la barrique, puis là, j'étais vraiment en train de me gâter. De la bière, des fromages, du pain, des chocolats, écoute, tout le kit. Quand tout à coup, pouf, me v'là en enfer. J'étais pourtant allé à la confesse dernièrement. T'es pas le seul de même. La barrique puis ses nombreuses bières, c'est aussi le fournisseur officiel ici. C'est-tu pas le paradis en enfer, ça? La barrique, 41-70, boulevard des Forges, voisin de la cage au sport. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89.1. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de réanimation en ce 11 mars de l'an de disgrâce 2014. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je suis avec vous jusqu'à 21h. On vient d'entendre à l'instant avant cette pause publicitaire le premier bloc de l'émission de ce soir qui était constitué de ce qui suit. Formation américaine Fear Factory, la pièce Piss Christ, qu'on retrouve sur l'album The Manufacturer, qui est paru en 1995 sur l'étiquette Candlelight. C'était le deuxième album de cette formation. Nous, auparavant, nous avions Divine Heresy, une autre formation américaine, qui nous présentait la pièce This Straight Is Real, que l'on retrouve sur leur premier album, Blake the Fifth, qui est paru en 2007 sur Roadrunner. Et qu'ont-ils en commun ces deux formations, c'est-à-dire Fear Factory et Divine Heresy? Eh bien, ils sont tous les deux issus de l'imagination de M. Dino Cazares, qui est respectivement le guitariste dans les deux formations. Le gros Dino Cazares, qui étonnamment, lorsque je l'ai vu il y a quelques années sur scène avec Fear Factory, était très surprenant parce qu'il est vraiment gros, hein, faut le savoir, il est énorme, il n'est pas gigantesque dans tous les sens parce qu'il est beaucoup plus large que haut, mais il brasse énormément. J'imagine que son cœur doit s'en ressentir aussi, mais il donne un très bon spectacle. Nous avions avant la formation de Van Heresy, formation canadienne Voivod et la pièce Neutrino que l'on retrouve sur Phobos qui est paru en 1997. Sur l'étiquette hypnotique, évidemment, la formation à l'époque était un trio qui mettait en vedette Peggy Away et Eric Forrest. Et nous avions ouvert ce bloc avec une autre formation canadienne, québécoise également, soit Oblivion et la pièce Such a Quiet River, que l'on retrouve sur le dernier album studio complet paru de cette formation sur Carnivore Modern Mouth, qui est paru en 1999 sur l'étiquette hypnotique également. Ce soir, je dois vous dire que j'ai passé outre quelque chose. Ben, je passe tout le temps outre plein de choses, je m'en confesse allègrement. Mais j'ai passé sous silence quelque chose que je devais vous dire il y a ma foi, minimalement depuis le 13 février dernier. Il y a maintenant 14 ans que je suis à C'est Fou et que je n'ai une émission métal. 14 ans que je suis animateur profondément adulé, je sais, par les masses et spécifiquement par mes auditeurs qui sont d'Angleterre, n'est-ce pas, et de New York, bien entendu. N'importe quoi. Mais ça fait quand même 14 ans que je fais de la radio. Au centre de réanimation, bien entendu. Et maintenant, je dirais depuis, non pas de façon régulière à tous les semaines depuis, mais il doit y avoir pratiquement, je dirais au moins une année que je participe activement et régulièrement à Rock Classique. Maintenant, je le fais tous les semaines, à mon plus grand bonheur. Mais donc, je suis, possiblement actif à la radio. On pourrait dire ça ainsi. Et aussi, quoi? Gustave. Ah oui, Gustave. Qu'est-ce que tu dis, Gustave? Ah, t'espères pas passer 14 ans avec moi. C'est réciproque, Gustave. J'espère que je ne passerai pas plus de 14 minutes avec toi ce soir. Et aussi ce soir, nous avons une émission chargée parce que je ramène une chose aussi que j'avais oubliée. J'avais mis de côté pour des raisons tout à fait obscures et probablement tout à fait insignifiantes. Sinistros et moi avions démarré une présentation mensuelle spéciale qui était l'album marquant, qui était un album qui nous avait marqué personnellement, individuellement, évidemment, à l'époque, qui nous avait marqué, effectivement, c'est le terme approprié au niveau de la musique métal, et je vais ramener ce concept ce soir dans quelques instants. J'aurai aussi deux présentations d'albums qui sont respectivement le nouvel album de Hackerun, soit Cult des Ases, et aussi, j'ai pris un petit peu de retard, j'en conviens, mais des pièces tirées de l'album, du premier album de cette formation américaine qui porte le nom de Narcotic Wasteland, formation de Brutal Technical Death Metal, qui met en vedette Dallas, notre ami Dallas de Nile, bien entendu. Donc, c'est une émission qui va être assez chargée. J'ai aussi une chronique musique, une très courte chronique musique, mais j'ai une pensablement importante chronique cinéma à vous faire. Et tiens, j'ai l'intention de vous faire la chronique musicale immédiatement parce que je risque fort de l'oublier, comme le reste, évidemment. Bon, aujourd'hui même sortait l'album Gojira, l'album live de Gojira qui porte le titre de Les Enfants Sauvages. J'ai pas eu le temps encore d'écouter ça. Je suis bien curieux d'écouter ça parce que version enregistrement, je ne sais pas comment sont Gojira, mais je peux vous dire que live, ils sont excellents sur scène. La seule chose que j'ai fait, que j'ai pris le temps d'écouter, de découvrir depuis la dernière émission, la semaine dernière, c'est un album qui est de la formation Conquering Dystopia, qui donne dans un progressive death metal, formation américaine, qui met en vedette Jeff Loomis, qu'on a reconnu avec Nevermore, bien entendu, mais aussi, étonnamment que ça puisse paraître, Alex Webster de Cannibal Corpse. J'ai pas eu le temps de faire une écoute très exhaustive, mais ce que je peux vous dire au départ, c'est que ce que j'ai écouté jusqu'à présent est totalement instrumental. La formation est décrite comme progressive death metal, mais je crois qu'il y a un peu de fusion qui vient à travers ça par moment, et ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on connaît Alex Webster, quoique on s'entend que les musiciens qui jouent dans les groupes métal n'ont pas d'ailleurs nécessairement, ils ne font pas que ça, ils n'écoutent encore moins que ça. Mais ici, c'est très très surprenant. Je me propose de vous en parler plus au courant de l'émission de la semaine prochaine, parce que j'aurai le temps de l'approfondir beaucoup plus dans tous ces angles et dans ces raccoins. Donc, Conquering Dystopia, jusqu'à présent, j'ai pas d'opinion, parce que j'ai été très surpris de ce que ça pouvait donner, mais on s'en reparlera la semaine prochaine. Tout de suite, allons-y avec Gustave. Qu'est-ce qu'il y a, Gustave, encore? Non, toi... Non, Gustave, t'as aucun choix musical à faire ici, là. En fait, je sais même pas ce que tu fais ici, Gustave. Ah, t'as raison, tu m'emmerdes, c'est vrai. Bon, allons-y avec cette présentation d'album marquant. C'est une formation, c'est la formation death metal que je préfère parmi tous. Bien entendu, vous savez de qui je veux parler, il s'agit de Morbid Angel. Un album qui est paru en 1993, leur troisième album, l'album Covenant, album que je trouve tout à fait original. Je ne dirais pas parfait, bien entendu, parce que ce serait peut-être mentir, mais c'est un album qui est, selon moi, vraiment très bien fait, qui a, comme je le disais, une grande dose d'originalité et des pièces qui sont assez songées. Évidemment, il faut aimer le style. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui admirent Morbid Angel, dont moi, et ça me fera plaisir immédiatement qu'on aille écouter. Je me laisserai aller avec tout l'album, là, mais quand même, on va écouter au moins 5 pièces qui sont dans l'ordre et qui apparaissent dans cet ordre. C'était la face A du vinyle, c'est-à-dire Rapture, Pain Divine, World of Shit, The Promised Line, si vous, entre parenthèses, et Vengeance is Mine. Et on va peut-être terminer avec Lion's Den, qui est ma préférée de l'album, mais si je me sens un élan là, en écoutant ça, là, peut-être qu'on va y aller plus loin. Mais allons-y tout de suite avec Morbid Angel, Covenant. Go!

Take the world with a burn.

J'espère que vous avez aimé l'introduction de la présentation de cet album de Morbid Angel. ces beaux petits applaudissements, parce que je me suis dit, tant qu'à faire dans le poche, là, puis jaser avec un fantôme qui était dans une mission pour enfants, aussi bien faire une présentation tout aussi poche en faisant très symphorien avec des applaudissements de début d'épisode. Et puis, que cela n'en tienne, vous devriez être avisé qu'il va commencer à en avoir de plus en plus des incursions de ce genre de choses dans Réanimation. Morbid Angel est la pièce, c'est l'album Covenant, l'album qui est paru le 22 juin 1993, donc dans quelques mois, ça fera 21 ans que cet album est paru sur l'étiquette Erake. C'était la troisième parution de la formation avec le trio original, c'est-à-dire Pete Sandoval, Chas Akhtot et David Vincent. Un album qui est tout à fait efficace. Et puis oui, je me suis laissé aller avec une sixième pièce, bien entendu, parce qu'on a pu entendre dans cet ordre d'écoute Blood on My Hand, juste avant la pause publicitaire, de Lion's Den, Vengeance is Mine, World of Shit, The Promised Land, Pain Divine et en ouverture Rapture, qui sont successivement les six premières pièces de cet album, qui en comporte 10 au total. Et pour les amateurs de vinyle, eh bien, la réédition d'il y a quelques années de Covenant de Morbid Angel, parce qu'ils en ont réédité plusieurs, est une très belle pièce, Gatefold. Là, on peut vraiment admirer le beau graphisme, la belle présentation graphique de cet album. Et puis, c'est une belle pièce en plus. Et j'ai eu, je sais pas si c'est le même pour tous les éditions sont sorties en vinyle de Covenant, mais le mien, c'est on appelle ça colored vinyl, vinyle coloré, et il est rouge. Ça va bien avec Morbid Angel, bien entendu. J'espère que ça vous a plu. On va reprendre cette coutume, pour ainsi dire, qui avait été abandonnée depuis les quelques derniers mois. On va la reprendre tous les mois maintenant avec un album qui, bien entendu, m'a remarqué. Mais écoutez, je suis ouvert là à ce que vous m'envoyez un message me disant « Docteur, est-ce que tu voudrais présenter cet album-là? » Parce que pour moi, il a été très marquant. Vous pouvez le faire, vous avez simplement aller sur le site de Réanimation, réanimationad.com, et puis vous allez dans Contact, vous allez voir Dr. Pain Pendragon, vous cliquez sur le lien qui est là, vous m'envoyez un courriel directement. Je vous promets pas que je vais le faire systématiquement, bien entendu, parce que si vous m'arrivez avec des choses absolument abominables, là, qui sont pas écoutables, ben, je vais simplement vous répondre que non, ça ne passera pas dans le cadre de l'émission, mais des choix judicieux, je ne dis pas non. Bon. Ceci étant dit, quoi? Gustave encore? Ben, Gustave, il dit qu'il a pas aimé ça. Mais Gustave, tu connais rien. Il dit que c'est vrai. C'est ridicule discuter avec un fantôme. Ce qui est encore plus ridicule, c'est discuter avec un fantôme qui existe probablement pas et que je suis peut-être le seul à entendre. Côté cinéma, il y a des trucs. Aujourd'hui, c'est la sortie du film d'horreur Oculus. J'ai aucune idée si c'est une sortie qui se fait en grande pompe. Je sais pas du tout. Je peux pas vous dire. Je sais ici que dans la région, c'est à peu près certain que ça passera pas. Généralement, les films qui passent dans la région mauricienne, c'est des gros films à gros hits de box-office. Ou en fait, ce qui suppose d'en devenir. Ici, je ne sais pas pantoute. Il faudrait vérifier. Oculus, O-C-U-L-U-S, c'est l'orthographe du film. Les previews ont l'air bien, donc ça devrait être intéressant. Côté cinéma, ce que j'ai écouté durant la dernière semaine, j'ai écouté plein de trucs qui sont pas nécessairement des films d'horreur ou de science-fiction. J'en ai écouté. J'ai écouté d'autres trucs aussi. Un des films que j'ai écouté, je suis toujours un peu attiré vers les films d'action, même si je sais que c'est très kitsch et très bonbon par instant. J'ai écouté le film de Gary Flatter, dans lequel joue Jason Statham, James Franco et Winona Ryder, que je n'avais même pas reconnu jusqu'à ce que ma conjointe me dise « Ben oui, c'est Winona Ryder. » Je dis, ah oui, ah ben coudonc, bien changé. L'album, le film s'appelle Homefront. C'est un film d'action, bien entendu, et qui parle d'un agent de la DEA, la brigade américaine des stupéfiants, bien entendu, qui est un infiltré dans une bande de motards pour être capable de mettre à jour un complot d'importation de drogue. Cela réussit, mais évidemment, ben, il est démasqué à la dernière minute et puis sa vie est en péril. Et c'est tous les complots, justement, qui sont mis en œuvre pour être capable d'avoir raison de cet agent undercover, pour ainsi dire. C'est très stéréotypé, mais ça brasse pas mal. Fait que si vous aimez les films qui brassent pas mal, ça brasse pas mal. Moi, j'ai donné un 7 sur 10, c'était divertissant. J'aurais probablement pas envie de le revoir, mais c'est pas grave, ça m'a fait passer quand même une heure et demie sympathique. The Adventurer, The Curse of the Midas Box, qui est un film aventure, je dirais, fantastique, si on veut. Qui met en vedette, entre autres, Michael Sheen, que je ne connaissais pas vraiment. Par contre, on connaît bien Lena Headey et Sam Neill. C'est un film, oui, d'aventure, qui se passe à l'époque victorienne. C'est un peu dans les créneaux, si on veut, de... disons, un mélange entre Raiders of the Lost Ark, les aventuriers de l'Arche perdue, le premier, disons, et un Sherlock Holmes, mais les deux de mauvaise qualité. Ça donne un film très moyen, qui pourrait avoir des bonnes idées. Le scénario est à la base intéressant, mais c'est un petit peu mal interprété et c'est possiblement maladroit. J'ai donné 6.5 sur 10 seulement et je pense que c'était vraiment une note maximale à laquelle je pouvais donner. C'est en DVD Blu-ray. Mais honnêtement, vous pouvez voir autre chose avant ça. Je dirais que c'était pas mal. Ouais, je pense que c'était pas mal mon coup de masse de la fin de semaine dernière. Là, c'est un film de Kevin King qui met en vedette Danny Trejo. Danny Trejo, là, c'est lui qu'on voit entre autres dans Machete. Qui sont, en fait, Machete, le premier et le deuxième, qui sont deux bons films de Robert Rodriguez. Deux bons films à pas me prendre au sérieux, bien entendu. Mais Danny Trejo, il y a un problème présentement, là. Il joue dans plein de films. On voit son nom partout. C'est principalement des films de série B et série B moins, pour ne pas dire C, souvent. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, là. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a vraiment besoin soudainement de faire beaucoup d'argent. Mais on le voit partout, puis c'est pas tous des bons choix qu'il fait, hein. Parce que Zombie Hunter, c'est un film d'horreur de zombies, bien entendu. Et c'est très stéréotypé, c'est assez maladroit. Et les effets sont pas très bons. Les effets font très jeux vidéo, là, mais du début des années 2000. Donc, c'est assez ordinaire. Il y a juste quelques petits bouts qui sont intéressants. Puis encore là, se taper le film pour voir l'ensemble de ces bouts-là, c'est peut-être pas l'idéal. Ça mérite, selon moi, seulement un 4.5 sur 10. C'était pas totalement mauvais, mais c'était vraiment loin d'être bon. Donc, je pense que vous pouvez passer par-dessus ça. J'ai écouté un autre film que j'avais certaines attentes. C'est The Last Day on Mars, qui est un film de science-fiction, bien entendu, qui met en vedette, entre autres, Liev Schreiber. Liev Schreiber, là, c'est celui qui joue le frère de Wolverine, dans Wolverine Origin. Qui a le profil de l'emploi, mais c'est long ce film-là, puis quand on pense qu'il va se passer quelque chose, ben finalement, c'est assez ordinaire, c'est long à décoller, il se passe rien, une équipe qui est sûrement sur une base, et puis soudainement, les choses commencent à dégénérer parce qu'on remarque une espèce de végétation organique qui pousse à la surface de Mars, et puis cette végétation-là, elle s'empare des gens dont elle contamine, pour en faire des espèces de zombies, si on veut, ultra-violents, qui n'ont qu'en tête de détruire tout ce qu'il y a alentour, mais ça lève pas bien. Fait que j'ai donné un 6 sur 10, puis honnêtement, les images sont belles, mais bof, c'est plus ou moins intéressant. J'ai écouté un autre film hier, qui s'appelle 12 Years a Slave, qui est un film de Steve McQueen, mais pas celui que vous connaissez, parce qu'il est mort, évidemment, Steve McQueen 2. Aucun rapport avec l'original parce que c'est quelqu'un de couleur, qui est un drame biographique qui met en vedette Michael Fassbender, et il ferait vraiment un enfant de salaud là-dedans, là, il l'a vraiment bien. Et raconte l'histoire en 1841, évidemment, un certain nombre d'années avant la guerre civile, la guerre de sécession aux États-Unis. À Washington, Solomon Northup est un jeune noir qui est originaire de l'État de New York. Et puis, qui est prospère, qui a sa propre business, qui a une famille, sa maison. En fait, il est respecté par les gens de la ville qui l'habitent, et ainsi de suite. Et il est demandé, parce qu'il est musicien de talent, il est demandé de s'associer à un groupe qui présente des spectacles ambulants en tant que musicien. Et à un moment donné, ils sont en train de fêter leur succès, si on veut, dans un établissement de licenciés. Et puis, il fait un abus d'alcool. Il se rappelle plus de rien, puis il se réveille enchaîné dans une pièce quelconque pour découvrir qu'il vient d'être vendu comme esclave sur une plantation. Et c'est pendant 12 ans qu'il doit subir les mauvais traitements, et ainsi de suite, de ce qu'il en est, de passer de maître en maître pour atterrir dans les mains de celui qui est joué par Michael Fassbender, qui est vraiment un enfant de salaud, comme je le disais. Et tout ce qu'il essaie de mettre en œuvre pour, parce qu'il n'y a plus aucun papier qui prouve qu'il est un homme libre, pour essayer de prouver qu'il est retenu malgré son gré, et que finalement, ben écoutez, ça finit bien, mais c'était très éprouvant. C'est un film qui est très bien fait, c'est un film qui est très c'est un fait vécu d'ailleurs. Par contre, ce film-là n'est pas venu me chercher autant que je l'aurais cru. Je lui ai donné un 7 sur 10 parce qu'il y a certaines longueurs qui sont essentielles dans le film, mais qui pour moi ne correspondaient peut-être pas à mes attentes. Mais 12 Years a Slave reste quand même un bon film et c'est très bien fait. Le film que je vous conseille de revoir ou de redécouvrir cette semaine, c'est un classique de 1982 de science-fiction qui met en vedette Harrison Ford et Roger Howard. C'est Blade Runner de Ridley Scott. C'est un 8 sur 10. C'est un très bon film. Ça a quand même assez bien vieilli et c'est bien fait. Présentation, première présentation de la soirée, ben en fait la deuxième, parce que l'autre vous connaissez déjà l'album Morbid Angel. Il s'agit de l'album qui est sorti la semaine dernière, ou en fait il y a 10 jours, de Acheron, formation qui vient de Tampa, Florida, et qui donne dans un death black metal dont principalement le concept est rattaché au satanisme, l'antichristianisme et la blasphémie, rien de moins. Ils sont signés sur Listenable Record. Et cet album, qui porte le nom de Cult Death Access, se trouve à être leur 8e ou 9e album, si je ne m'abuse. Il vient de paraître. En fait, il est paru très exactement le 24 février dernier. Je n'avais pas mis la main dessus avant. Et puis, ben, comme je suis en retard dans tout, ben, c'est ce soir que je vous le présente. On va écouter 3 pièces de cet album de Acheron, Cult Death Access. On va écouter successivement Daemonum Lux, Satan Holds Dominion et Rapture to Divine Perversion. C'est un album auquel j'ai donné une note de 7.5 sur 10. Je connais Acheron depuis pas mal d'années. J'ai pas tous les albums, évidemment. J'en ai plusieurs. Et c'est le genre de band que je trouve quand même intéressant. Ça casse pas des masses. C'est pas l'hyper originalité, mais ça se défend très bien. Allons écouter ça de ce pas. Go!

Run. Trois pièces tirées du dernier album Call Death Ashes qui est paru le 24 février dernier sur l'étiquette Listenable Records. Moi, je trouve que c'est pas mal bien, comme je le disais d'emblée avant la présentation des trois pièces. Ça se défend assez bien. C'est pas se fracasser la tête sur les murs, mais c'est assez bon. Trois pièces tirées de cet album, Rapture to Divine Perversion, précédé de Satan Holds Dominion, et nous avons ouvert avec l'ouverture de cet album, soit Daemonum Lux. Comme je le disais, j'ai donné un 7.5 sur 10 et je pense qu'il mérite amplement. Il est déjà 20h42, l'émission tire à sa fin. Simplement pour dire que la semaine prochaine, j'y serai, bien entendu. Et que le concept de l'émission la prochaine émission sera simplement celle-ci, Crossover and Covers. Je vous en dis pas plus, soyez à l'écoute, vous allez savoir ce que ce sera. Et aussi que ce vendredi, dès 12h30, je serai à l'émission Rock Classic en compagnie de mon bon ami, le Rockmaster Alain Lefebvre. Nous allons vous présenter des choses qui ont bien entendu directement en rapport avec le classic rock, le rock classique. Mais aussi, nous avons notre portion, bien entendu, de présentation de nouveautés. Et vers la fin de l'émission, généralement, on s'en va un petit peu plus vers une tendance métallique. Donc, on peut plaire à pas mal de goûts. Et puis, en plus de ça, ben, nous sommes très bons. Donc, pourquoi ne pas nous écouter? Voilà. Dans quelques instants, je vous présente quelques pièces qui sont tirées du premier album de la formation américaine Narcotic Wasteland, formation qui vient de la Caroline du Sud, de Taylors en particulier, voilà. C'est la première enregistrement de cette formation qui donne dans un brutal death metal dont les thèmes sont les drogues. Ben voilà, hein? Regarde, je pense qu'il y en a en masse à dire là-dessus. C'est une formation qui a été instiguée par Dallas Torway, de bien entendu, que l'on connaît pour être guitariste-chanteur de la formation Nile, la formation très connue, qui met aussi en participation les membres suivants: Head Roan, guitare et vocale également, Eric Schultek, la batterie, et Chris Lutacris Dupré à la basse et au vocal. Il y a à peu près juste Dallas Tollerway qui fait partie d'un band qui est notable, si on veut. Les autres, je ne connaissais pas les formations avec qui ils ont joué. Mais ça donne un bon matériel, honnêtement. Je dois dire que ça donne un bon matériel. L'album homonyme qui porte le titre simplement de Narcotic Wasteland est paru le 15 janvier dernier sur l'étiquette suivant, Self-Release. Mais non, ils ont sorti eux-mêmes, c'est indépendant. Ça comporte 9 pièces pour un total de 38 minutes une. C'est bien. C'est un bon death metal. Je vous en propose à l'instant un minimum de 2 pièces, dépendant le temps qui va nous être accordé dans les 15 prochaines minutes. Mais 2 pièces minimalement qui seront celles-ci: Anthem for the Mentally Scared et Alcoholic Religious Fanatic. Donc tout de suite, Narcotic Wasteland. Go! Oh! Religious fanatic. Maybe you know something about you. All fanatics know things about me. They have a greater fear of me than love of their God. Narcotic Wasteland et la pièce Alcoholic Religious Fanatic. C'était précédé de la pièce d'ouverture de cet album Narcotic Wasteland, soit Hand Him for the Mentally Scared. Nous avons le temps d'en écouter une dernière. Mais avant tout cela, je tiens à vous dire que Gustave est là. Qu'est-ce que tu dis, Gustave? Il fallait que tu dises ton mot de la fin, hein? Ouais, quoi? Non, t'es pas sérieux. C'est moi qui dis ça. D'accord. Tu insistes? Eh bien, Gustave dit, après cette prochaine pièce de Narcotic Wasteland, qui sera Keeping Up With The Jones, eh bien, allez tous vous faire foutre. À la semaine prochaine. Go!